cette fille scintille. J'avoue, elle me met la tête à l'envers. Elle jubile, elle sait qu'on l'envie. Elle incarne la beauté sur terre. Je la crois sur mon chemin tous les jours. Je fais comme si je ne voyais pas qu'elle veut m'attirer dans sa toile de velours. Elle est trop dangereuse pour moi. Pourtant être un gars sérieux, éviter tous les faux pas. Mais là j'avoue je me suis laissé prendre au jeu. Elle est trop dangereuse pour moi.